Bon, bah, tout d'abord, merci pour cette invitation. J'ai intitulé donc mon intervention L'entrepreneuriat musulman en France, l'idéologie d'une classe en ascension. Et je vais essayer ici, dans cet intitulé, donc il y a plusieurs présupposés que j'aimerais essayer d'expliciter devant vous, d'essayer de rendre compte ici devant vous, ce qui reviendra au bout du compte, je l'espère, à justifier un peu ma présence à ce colloque sur religion et classe sociale. Alors d'abord, pourquoi l'entrepreneuriat musulman en France? Pourquoi je me suis intéressé à cet objet d'entrepreneuriat musulman en France? Je dois dire que c'est un sujet auquel j'ai consacré toute ma thèse, donc je ne vais pas y répondre ici, mais de manière totale. Mais disons que fondamentalement, j'ai voulu construire cet objet, j'ai construit cet objet d'enquête contre une vision, disons, théoriciste de la religion, c'est-à-dire de religion sans sujet, de la religion en général et de l'islam en particulier, c'est-à-dire donc une religion abandonnée à sa propre logique, hein, à la logique religieuse. L'islam répondrait à sa propre logique religieuse, etc. Bon. Et pour être plus précis encore, l'entrepreneuriat musulman a été pour moi le moyen de mettre en tension, essayer de mettre en tension tout un héritage théorique prestigieux, il faut bien le reconnaître, qui remonte au moins jusqu'à Max Weber, ou en tout cas dont Weber a très largement contribué à en fixer les principes. Cet héritage consiste à corréler, comme vous le savez, l'apparition donc du capitalisme moderne à la et la modernité en général, au christianisme et au protestantisme en particulier. Cette thèse a nourri une quantité monstrueuse de travaux, que ce soit en histoire, en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques. Là, je renvoie aux ouvrages notamment de Jack Goody, l'anthropologue Jack Goody, qui s'y attarde longtemps. Et à chaque fois, ces travaux se sont efforcés d'expliquer les raisons pour lesquelles les autres régions du monde, donc l'islam, les sociétés musulmanes également, n'ont pas développé en leur sein un capitalisme moderne, rationnel, etc. Bon. Évidemment, l'explication ne peut être et n'a pu être que tautologique, c'est-à-dire si l'émergence du capitalisme est à corréler au christianisme, la non-émergence du capitalisme dans les autres régions du monde ne peut être corrélée qu'à la spécificité religieuse de ces régions du monde. C'est au fond un raisonnement qu'on pourrait appeler ad hoc, c'est-à-dire un raisonnement qui consiste à chercher ce qu'on a déjà trouvé. Et Weber et beaucoup d'autres ont laissé quelques écrits sur la question de l'islam, bien entendu. Beaucoup les ont repris, commentés, discutés, prolongés. Et à chaque fois, au fond, la question restait la même: pourquoi l'islam n'a pas pu laisser émerger en son sein le capitalisme moderne? Alors évidemment, je ne souhaite pas ici du tout discuter de cette thèse, hein, en tout cas d'un point de vue théorique, mais j'aimerais la mettre à l'épreuve. J'ai souhaité la mettre à l'épreuve à travers mon enquête, l'entrepreneuriat musulman en France. J'ai donc choisi, à travers cet objet d'enquête, immédiatement d'incarner donc mon objet, c'est-à-dire l'incarner dans une réalité économique et sociale, et dans un moment historique. Donc un objet qui, d'emblée, dans le fait même de le construire en tant qu'entrepreneuriat musulman en France, devait se penser contre tout un héritage théorique, nécessairement, c'est-à-dire construit selon un schéma de pensée oppositionnel du type islam versus capitalisme, islam versus modernité. Bon, et ça, c'est une structure de la pensée, à mon avis, qui encore très largement organise une manière de penser à la question de l'islam. Et au fond, l'entrepreneur musulman, l'entrepreneuriat musulman en France, la question c'est de quel côté le ranger. Est-ce qu'on le range du côté du capitalisme moderne, ou est-ce qu'on le range du côté de l'islam qui serait réfractaire au capitalisme? Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais je pourrais y revenir. J'ai donc mené deux enquêtes, une quantitative, une statistique, auprès donc d'entrepreneurs musulmans basés en région Île-de-France, et une qualitative. Cette enquête quantitative auprès des entrepreneurs musulmans, je l'ai également associée, mise en parallèle face à une autre enquête auprès d'entrepreneurs non musulmans. Une enquête courte, une enquête longue avec les entrepreneurs musulmans, une enquête courte, entrepreneurs non musulmans. Je pourrais revenir aussi sur la méthodologie. Alors, qu'est-ce que, parmi tout ce qu'a pu m'apprendre cette enquête, j'aimerais m'arrêter simplement sur quelques chiffres hein, qui me semblent à la fois connus et à la fois fondamentaux, en tout cas qui me semblent tout à fait importants de rappeler. D'abord, première chose, mon enquête a révélé d'abord que mon échantillon représentatif d'entrepreneurs est très largement issu des pays du Maghreb, à 70%, soit respectivement d'origine algérienne 34%, marocaine 25%, tunisienne 10%, que la grande majorité des entrepreneurs musulmans sont issus des classes sociales les plus défavorisées, des classes sociales les plus populaires. Mon enquête montre par exemple que 62% des enquêtés ont un père ouvrier, employé ou agriculteur, alors que 60% des entrepreneurs non musulmans ont un père cadre ou chef d'entreprise. Donc, mais dans ce que je dis là, il y a évidemment rien de nouveau. Hein. Tout ce que je dis là, on le sait déjà. En tout cas, beaucoup d'enquêtes qui ont été menées. Je pense à l'enquête Théo, hein, qui a déjà de manière documentée, montrer que les musulmans, en tout cas on le déduit, les musulmans sont très majoritairement inscrits dans les classes sociales populaires et ils sont très majoritairement issus de l'immigration maghrébine, sauf qu'il me semble que tout se passe comme si nous n'en tirions pas suffisamment les conséquences du point de vue d'une analyse sociologique de l'islam. C'est-à-dire au fond qu'en définitive, comprendre la présence musulmane en France, ses différentes expressions sociales, sa morphologie, son histoire, ne peut se faire sans préalablement tenir compte de la structure et des caractéristiques précises des différentes populations immigrées originaires des pays musulmans, sans quoi on parle dans le ciel des idées. Donc l'idée c'est que l'islam tel qu'il s'implante massivement et durablement en France est très majoritairement un islam maghrébin, populaire et culturel. Je parle ici de l'islam des premières générations. Si je dis populaire et culturel, c'est parce que c'est davantage un islam qui se vit de toute son évidence pratique, enraciné dans des siècles de culture et dont les croyances se lient organiquement ici à la vie sociale, à toute la logique de la vie sociale et culturelle des classes populaires. C'est un islam, par conséquent, qui se vit plus qu'il ne se parle, et dans le même temps, un islam oral plus qu'un islam écrit. Je rappelle à ce titre que près de 65% des entrepreneurs que j'ai interrogés, ont le baccalauréat ou davantage, alors que 59% de leurs pères et 77% de leurs mères n'ont eu aucun diplôme, c'est-à-dire qu'ils étaient en gros analphabètes. Contre seulement 21% des entrepreneurs non musulmans. Par conséquent, pour cette génération, l'islam tel qu'il est vécu, pour ces premières générations d'immigrés, l'islam tel qu'il est vécu se vit effectivement d'une manière pas très questionnée, sans doute évidemment parce que par manque de savoir, mais aussi parce que le savoir est ici un savoir pratique. C'est-à-dire enregistré corporellement comme la manière de pratiquer et de croire. En réalité, je pense qu'il faudrait ici plutôt parler effectivement d'habitus religieux dans lesquels se mêlent bien plus que des prescriptions religieuses, mais aussi indissociablement un style de vie propre aux structures sociales et des sociétés maghrébines. Je pourrais développer ce point. Tout cela pour dire qu'il y a donc une relative, dans un premier temps, il y a une relative homogénéité sociale des premiers groupes d'immigrés arrivés en France, tant du point de vue de leurs conditions objectives d'existence que du rapport au religieux qui lui est donc corollaire. Or, ce qui se passe, me semble-t-il, c'est que l'acculturation de l'islam à la société française entraîne et a entraîné nécessairement, surtout avec les générations suivantes, nées en France, une reformulation plus ou moins radicale de ces principes religieux. Il y a en effet l'événement majeur dans le passage de l'islam maghrébin vers l'islam français, c'est le découplage de la religion en tant que système de croyance et de pratique de toute son assise culturelle traditionnelle. Je pense que toute l'évidence pratique avec laquelle se vivait cet islam perd progressivement de son évidence à mesure qu'il s'enracine dans une autre réalité sociale et culturelle. Une crise, enfin, j'ai qualifié dans mon travail de recherche, j'ai qualifié ce moment de crise de croissance. L'idée que l'islam doit croître nécessairement, il doit évoluer, se développer, il doit croître dans un environnement dans lequel il n'a pas toute son évidence culturelle et sociale, en tout cas qu'il doit intégrer. Donc ce travail ce moment de crise de croissance a donné lieu à tout un travail individuel et collectif de redéfinition du religieux, à partir donc d'un paysage nouveau. Pour illustrer mon propos, je disais par exemple tout à l'heure que comparativement à leurs parents, la génération de ceux qui sont nés en France sont diplômés, ce que leurs parents n'étaient pas, ce qui crée, il faut bien le savoir me semble-t-il, ce qui crée de fait une distance culturelle, symbolique, irréversible entre la première génération et toutes les générations qui ont suivi. Il y a un clivage générationnel très fort qui peut nous aider à comprendre ce paradoxe avec les générations suivantes, c'est-à-dire cet attachement vigoureux aux origines, et notamment à la religion au pays des sociétés maghrébines, et en même temps cet éloignement vis-à-vis de ces origines. Là aussi, je pourrais y revenir. Donc on peut dire que d'une manière générale, plus les profils sociaux des musulmans en France se diversifient avec les générations nées en France, plus elle s'éloigne à des degrés variables de l'islam culturel populaire relativement homogène des premières générations d'immigrés, plus nous sommes face à... plus les intérêts sociaux se séparent les uns des autres, et donc plus les besoins religieux entrent en situation de conflit symbolique. Et je fais l'hypothèse d'ailleurs qu'il y a dans cet événement majeur, dans ce clivage générationnel, le moment constitutif, progressif évidemment, mais constitutif d'un champ religieux dans lequel on lutte symboliquement pour donner la définition légitime de l'islam. C'est quelque chose, par exemple, que j'ai pu constater statistiquement dans le cadre de mon enquête. En gros, plus les entrepreneurs étaient diplômés, assurés d'une stabilité économique, plus leur entreprise était développée à travers leur chiffre d'affaires, plus ils se réclamaient d'un islam, rationaliste, critique, universaliste, centré autour des valeurs du bien-être et du bonheur, etc. Ce qui correspondait assez bien à la philosophie de vie de l'entrepreneur qui a réussi. Et inversement, moins l'entrepreneur était diplômé, plus sa situation économique était instable, plus les perspectives d'avenir de son entreprise étaient courtes, plus en effet... Et de manière assez caricaturale, il faut bien le dire, il développait un rapport religieux, communautaire, ritualiste, authentique, rétributif, etc. Autrement dit, d'un côté, le rapport au religieux se formulait en des termes hautement universels, c'est-à-dire la question du sens, la question de la vérité. Alors, dans les entretiens, on parle beaucoup, plus l'entrepreneur avait un capital culturel et économique fort, plus on parlait de la question de la vérité, de la question du sens de la vie, etc. Tout ce qui nécessite, au bout du compte, une forte abstraction, c'est-à-dire un détachement au monde que la situation objective permet, en tout cas que leur situation objective permettait, tandis que pour les autres, le religieux, le rapport au religieux, se réduisait à des questions tout à fait précises, particulières, sur la question de la suffisance ou de l'insuffisance de la foi authentique, etc., la seule foi qui puisse sauver des injustices et des souffrances dont ils se sentent victimes. Bref, j'ai volontairement pris ici deux exemples caricaturaux du rapport au religieux pour essayer d'indiquer qu'il y a entre eux, me semble-t-il, tout un continuum infini de conduites religieuses séparées les unes des autres par des différences économiques, sociales, symboliques, etc. Si j'ai dit deux mots sur ce qui séparait mes enquêtés entre eux, je vais dire maintenant et conclure aussi sur ce qui les rassemble majoritairement. Ouais. Et terminer sur les raisons pour lesquelles je parle d'idéologie d'une classe en ascension. On pourrait dire, vu du compte, on pourrait dire que la figure de l'entrepreneur musulman est à elle seule représentative d'une émancipation de la classe sociale d'origine. Et comme le dit assez justement Roger Bastide, à qui je me réfère beaucoup dans mes travaux de recherche, dans son ouvrage notamment sur l'étude des religions africaines au Brésil, on ne change pas de classe sociale impunément. C'est-à-dire sans développer corrélativement tout un discours qui vient justifier et légitimer ce changement de classe sociale. Et en la circonstance, le discours religieux, pour les enquêtés, a été au moins d'un double recours. Disons qu'à la fois, la religion semblait être pour eux l'intériorisation individualisée d'un système de contraintes collectives qui les amenait à adopter un style de vie conforme à la vie économique et sociale, et à la fois la religion comme discours symbolique de légitimation des pratiques économiques. Alors l'intériorisation individualisée d'un système de contraintes, c'est au fond plusieurs reprises dans mes entretiens, beaucoup d'entre eux me disaient la religion c'est un code de la route, il y a des sens interdits, des impasses, quand c'est interdit il faut pas y aller, la religion ça éduque, etc. etc. Bon, j'ai dit tout à l'heure que beaucoup étaient fils d'ouvriers et de paysans, hein, et donc n'ont pas reçu en héritage hein, tout ce savoir-faire, savoir-dire, savoir-être, savoir-penser, qui est complètement ajusté à la réalité économique et sociale du monde. Donc ce qu'il s'agit de faire pour une grande partie d'entre eux, l'enjeu pour une grande partie d'entre eux, c'était effectivement d'acquérir précipitamment cette logique. Hein, d'acquérir précipitamment la logique du monde tel qu'il est. Surtout, et ça, c'est une petite parenthèse, peut-être qu'on y reviendra, surtout quand une grande partie d'entre eux vivent dans des situations anomiques, hein, au sens de Durkheim, c'est-à-dire voilà, complètement dérégulées, etc. Bon. Et ici, la religion permet une forte régulation hein, des pratiques. Donc, la religion prise comme un système de valeurs et de pratiques contraignants qui favorise une certaine forme de modification radicale de sa subjectivité. Puisqu'il faut se changer, puisqu'il faut s'ajuster à l'état réel du monde économique et social, le religieux est d'une aide pratique puisqu'il promet en la circonstance, il promet la subversion radicale de sa subjectivité. Il garantit, le religieux garantit le changement complet de son existence sociale. Et ici, donc, il faudrait voir le religieux non pas comme l'expression d'un retour, hein, il n'est pas du tout question de retour du religieux, me semble-t-il, ici, mais comme la volonté ou la promesse d'un changement dans un monde économique et social, précisément, encore, enfin, ce changement dans une réalité objective. Et donc, pour cela, il faut se tenir fidèlement... j'arrive à la fin. Il faut se tenir fidèlement aux pratiques d'une religion qui sert donc d'un code de la route avec ses repères, ses signaux. Se tenir à des règles religieuses qui sont, on l'oublie trop souvent, des règles sociales. Hein, ni plus ni moins que des règles sociales qui permettent de s'astreindre à une réalité. Et deuxième point, l'islam, donc discours de légitimation des pratiques économiques, il revenait dans mes entretiens comme un leitmotiv que l'islam était une religion de commerçants, que la figure du prophète elle-même était commerçant, etc. Bon, et on voyait bien qu'il y avait derrière tout ça une volonté très forte hein, de légitimer tout un... nouvelles, ou en tout cas l'adoption de nouvelles pratiques économiques. Donc, ça, j'y reviens pas, parce qu'il y a déjà beaucoup de travaux qui ont travaillé sur ça. Je pense à, évidemment, Patrick Hény, l'islam de marché, où il montre bien que cette révolution, ce profil d'une révolution silencieuse, qui consiste à faire converger des valeurs religieuses avec une réalité économique du monde, une convergence ou une affinité qui grandira à mesure que les musulmans s'émanciperont des classes sociales populaires dans lesquelles ils sont encore, il faut le redire à chaque fois, majoritairement inscrits aujourd'hui. Et ce qui sans doute, et je termine là, ce qui sans doute, cette émancipation des classes sociales, sans doute contribuera à modifier la perception sociale dominante qu'on a de l'islam en général. Merci.